The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Okay. Ça marche. To count. Compter. To arrive. Arriver. To find. Trouver. Up to. Jusqu'à. Now, a bit faster. Up to. Jusqu'à. To count. Compter. To find. Trouver. Okay. Ça marche. To arrive. Arriver. Now, use the words in context. Ça marche. Deal. I'm coming. Ça marche. J'arrive. Ça marche. Shall we go to the cinema? Okay. On va au ciné? Ça marche. Ça marche. Are you coming with us to the swimming pool? Okay. Tu viens à la piscine avec nous? Ça marche. Compter. I'll count the points. Je compte les points. Compter. He is counting his coins. Il compte ses pièces. Compter. I'll count to three. Je compte jusqu'à trois. Arriver. I am coming in 5 minutes. J'arrive dans 5 minutes. Arriver. Is he arriving soon? Il arrive bientôt. Arriver. When are you coming? Tu arrives quand? Trouver. I'll give you a kiss if you find me. Je te donne un bisou si tu me trouves. Trouver. The key must be found. Il faut trouver ta clé. Trouver. You didn't find the hiding place? Tu ne trouves pas la cachette? Jusqu'à. I'll count to 20. Je compte jusqu'à 20. Jusqu'à. The temperature can go up to 50 degrees. La température peut monter jusqu'à 50 degrés. Jusqu'à. He's going to stay until 8. Il va rester jusqu'à 8 heures.